Cherchez la vie, oui. Détruis la vie, oui. Cherchez la vie, oui. Détruis la vie, oui. Cherchez la vie, oui. Détruis la vie, oui. Wapu.